Jean-Luc persécuté. Après que Jean-Luc eut mangé, il prit son chapeau et son bâton, car ils eurent convenu de que ce dimanche-là, il aille à Sassenaire pour aller voir une chèvre. Alors il donna un bisou à sa femme, parce qu'il l'aimait beaucoup et il s'était marié que depuis 2 années. Elle lui demanda « Quand est-ce que tu seras de retour ?» Il répondit « Vers 6 heures. » « Maintenant, il faut que je me dépêche, puisque Simon m'attend et il n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Mais avant de partir de la maison, il se haussa sur la pointe des pieds, entra dans la chambre et alla vers le berceau où le petit qu'ils avaient eu il y a un an était en train de dormir. « Fais attention !» cria Christine. Il s'était déjà penché en avant, mais il ne le baisait pas comme il l'avait voulu faire juste avant. Il regarda seulement comme il dormait. Il était un garçon fort de 11 mois, car au début, on compte encore les semaines et les jours. Ses joues semblaient être vernies et la tête grande et ronde était couchée sur l'oreiller. Jean-Luc lui-même avait fait le berceau. Il était menuisier et avait travaillé sur ce métier avant de reprendre la maison de sa mère. Comme ça, il y était devant pour un instant. Après, il retourna à travers la cuisine et ouvrit la porte d'entrée. « Adieu, madame !» il dit, et baisa Christine encore une fois. Il rentra plus tôt que prédit, monta l'escalier, poussa le loquet. La porte était fermée à clé. Il pensa « Elle sera allée chez Marie !» se pencha et prit la clé au-dessus du tas de bois où on l'avait tenue cachée. Après, il pensa « Je veux voir si elle se trouve chez Marie !» Là, il ne la trouva pas. Et Marie n'avait pas vu Christine, non plus le mari de Marie, qui lisait le journal et maintenant leva les yeux et dit à Jean-Luc, car il aimait plaisanter. « Quand on a une femme, on ne peut pas la laisser seule. » Jean-Luc ne répliqua rien. Il était inquiété. D'après Charles Ferdinand Ramus.